fête dans ma tournée. Et par être sans penser à pourquoi on m'a gavé mon mal? Parce qu'un gars senti vous en dit dans moi. Encore moi. On peut même nous l'enlever aller. Même si on rencontre le problème. Pour faire le monde, c'est pas facile. Sans bien que c'est l'homme qui toujours devant. Devant, devant. Tout le monde est ma coco. Tout le monde est ma coco. Amabé. Sorti, le pigé là c'est où qu'a sorti, maman là-bas.